بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أسألك عن الكلمات. On va faire un derskou aujourd'hui, on va juste prendre quelques irabates pour compléter le texte la dernière fois. D'accord. On va rentrer dans le nouveau ders. Ma ma'ana, ma malik. Ma ma'ana, liwa'un. Comment on dit un rang ou un niveau? Pour les gens. Manzila. La manzil, c'est le jam. Comme on dit commettre, quand commettre un péché. Naam. Ma ma'ana, dukhan, andaja. Ma ma'ana, tasara'a, yatasara'u. Se disputer. Comment on dit veiller? As-sahara. Là. As-sahara. Sahara. Comment on dit faire veiller? As-sahara. As-sahara. Comment on dit pleurer? Baka. Comment on dit faire pleurer? Abka. Abka. Ma ma'ana mausouma. Une chose qui est marquée. Ma ma'ana akhfaz. Akhfaz. Naam, le Boufaral c'est fakhiz. Comme dans le hadith de Jibril, Fawa de Akafay à la fakhizay. Il a mis ses mains sur ses cuisses. Ouais, plutôt Jibril Anna Asila. السؤال الأول لماذا كان عمر رضي الله عنه يحرص على اجتماع بالناس؟ لأن اجتماع المسلمين على الحق أمر مطلوب شرعا. نعم. السبب هو en vrai cette question là ouais, dans le texte d'après je crois ma rayuk fiman qama bihi Omar fima qama bihi Omar radiallahu anhu nahwa as-subya al-ja'i'in par rapport aux enfants affamés yadullu ala tawadi'ihi وحرصه على الصغار والمسلمين عموما. نعم. قال عمر لو أن جملا هلك ضياعا بشط الفرات لخشيت أن يسأل الله عنه عمر. ماذا تسمي مثل هذا الشعور بالواجب؟ يعني التقوى يعني. Et Annie, comment tu décrirais ce sens de la responsabilité? Ada kosdoum. T'as quoi, Nam? L'achèque ou Ara Kazalik? Non, en français, je ne saurais pas dire. كيف كانت الخير التي كانت عنده؟ أولا كانت موسومة نعم موسومة موسومة ماذا؟ في أحفاظ في أحفادها بعبارة صح؟ بالعبارة العبارة الآتية محبوسة في سبيل الله كيف كان يعامل حكام الولايات؟ Comment se comportait avec les dirigeants des différentes contrées؟ كان حريصا على تحقيق النزاهة في عماله. لماذا استأذن المسلمين في أخذ العسل؟ لأن كان مال المسلمين. لأنه كان من المسلمين. طيب. remplir les mots. تفضل الجملة الأولى. منازل العلماء. نعم. طيب إذن في نغة. جعلوا الدماء وهي كسرة. منازل العلماء كبيرة لا كبيرة عند الناس. كبيرة. كبيرة. لماذا؟ لأنه خبر. خبر. أحسنت. ثانيا الجهلاء عن مجرد عن مجادلة العلماء que les ignorants ne peuvent débattre avec les ulama bel الجهلاء مع العلماء والمبتلون مع المحقين les gens du faux et les gens du vrai même si celui qui a les gens du vrai c'est mais ils ont l'adilla et ils ont l'ilm avec eux le mubtil ne pourra pas débattre avec eux ensuite يحرص الآباء على تربية أبنائهم بالأخلاق الفضيلة نعم رابعا يرتكب اللص جريمة هذه نشد على الصاد اللص اللص جريمته لا جريمة إلا لابد أن تعلم يرتكب اللص أيوة جري جري جري جريمته جريمته ما يعرف جريمته تقول لي على جريمة c'est la folle des sous je sais pas voleur cambrioleur ah la folle bille non jalima la folle bille jalima tam ou un nahara nahara voilà c'est mais alors nahara dans le zaman dans le zaman accent jalima tam ensuite khamisan السهر يضر بصحة الإنسان. نعم يعني الفت de veiller ça nuit à la santé de la personne si on fait trop. أما sinon le سهر c'est معروف que de temps en temps ما يضر. كان السلف يسهرون بالعلم والعلماء كذلك وبالصلاة. في رمضان مثلا في التراويح غير ذلك. يدور إذا الاكثار منه بدون راحة سينو لا سادسا تندجو معظم الفواكه في فصل الربيع فصل الربيع نعم السابعا أسهر الأمة مريض مريض الابن مريض نعم سي كوا الاعلام دو الام مفعول به وين الفاعل مستتير نعم طيب ما يغلب مرضه C'est la maladie du fils qui a fait veiller la mère. Toi, avant de répondre, analyse bien une phrase. Regarde les harakat. Toi, Ibn Arjir al-Nas, كان في بعض إعرابات كنت أحب أن أخذها وسعيتها ليطعم. طيب بعد مثلا في الفقرة الوسطية أو ميليو أو لا فان قال حتى شبعوا وأخذوا يتضارعون. أريد حتى شبعوا. حتى شبعوا حتى نصب نصب وغاية. ما هو حرف نصب حتى؟ هذا عن الكوفيين ممكن. أوكي. سي با نصب سي حرف غاية. حرف غاية. C'est peut-être ta'lil aussi. Mais là c'est Raya. Chabi'u, firme, mardi. Mansoubi, ana bil marab. Wa alamat nasbihi, afinoun. C'est bien ça? Innakum latakuluna koulan azima. Regarde bien le verbe devant, qui est devant toi. Chabirou. Allez voir. Fialoun. Mardi. Mardi. Allez voir. Mansoubi El Mumara. Je n'ai jamais vu un fial mardi Mansoub. Et encore moins, moi, juste au Mabni. Mabni. Mais pourquoi il n'y a pas de nous là? Mabni. Pourquoi il n'y a pas de nous? Aide-moi là. Fir mardi. Mabni. Mabni. À la khatfin nous. À Mabni. Bi aide nous là. Oh là là. Tu nous as fait un nœud. Hatta si. T'es parti trop loin. Là, t'es parti chercher une banane dans le Groenland. Ah ouais, t'es jamais de nous là, Chabirou. T'es parti chercher une banane dans le Groenland. Ouais, j'ai oublié. Là, c'est plus dans l'oranger là. Ah ouais, j'attends. Ouais. Moi, j'avais laissé Chabirou en fait. Là, c'est pas un film Moudali. Ah ouais, c'est un film Mardi. Ah ouais, ouais. Non, bah, Chabirou. Aïe, ouais. Moi, le Jama'a Fa'il. Aïe, ouais, mais venir, à la Zom. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, Jama'a Fa'il. طيب تحت فأحببت ألا أنصرف. لا لا ما أجب فأحببت جب ألا أنصرف. لا حرف حرف نهي نعرى. أولا انظر ركز على الفعل. ركز على الفعل. الفعل ما هو؟ انصرف. تمام؟ مضارع منصوب. طيب منصوب بماذا؟ لا ها؟ لا نهي لا ليس المجزوم. لا منصوب. Là, je pense pas que tu vas trouver. Là c'est dans l'image du mouchou. Et le mansoub, par quoi en effet? On a vu ça? Non. On n'a pas vu. Mais il faut voir si tu aurais, tu aurais le déclic de dire mais on n'a pas vu. Ah. On aurait dit. Tu m'aurais dit je connais pas ça. Parce que le vu te, tu a, t'es, vu le là, tu t'es lancé directement. Ouais, là, non, on a vu le mouchou. Là en fait. Elle a un sarifa et un hydrome entre un et la. Il y a un nasb qui est présente et tu as la nafia qui n'a pas harf adi. Okay. Et là, il y a un hydrome entre les deux en fait. Elle a un sarifa. En fait, il est mansoub bi an. Ok. Le hamza que tu vois avant le la, là, c'est le hamza de an, en fait. Et le nun est entré dans le lem. Amta'ala? Taïb. Hatta arahum na'imin hadiyin. Hatta. Je pars, je veux arahum na'imin. Le verbe. نعم من دبرها التعاون التعاون أحسنت هم مفعول به دمير متصل في محل مبني على الضم في محل نص مفعول به ensuite نائمين حل. Non, moi j'ai un chèque entre Hel ou alors Mafoul Thani de Ra comme elle t'y est amel amel Zanna. T'as aimé elle est un faux, t'as un faux, j'ai un doute. Et aussi ce serait quoi Hadihin, ce serait quoi? C'est comme s'il y avait un mot ou quoi. Ouais. Partout. Voilà, ce serait un deuxième hal. Si jamais c'est hal, ce sera un deuxième hal. Tu peux mettre un deuxième hal, c'est pareil, il n'y a pas de mania. Mais j'ai un doute. Là, moi-même, je suis dans le doute. Est-ce que c'est Ra min Ahawet Zonna, car à la base, Ra, c'est Ra Kolbiya. Là, c'est pas Kolbi, mais Araum Wahda Mayaslah, Kazalik. Hata Araum. Lakin Nazon Akrab en Nauhel. Et le deuxième, Hadin Hel Thani. Allah Alam. Taïb, question piège. تحت إن أذنتم فيها أخذتها وإلا فهي علي حرام. طيب إلا سي كوا الحكم سي لا الاستثناء وإلا سي tu trouves إلا le faux Christina, c'est. Tu es un champion. Ah ouais, c'est la rachine. Id in azintum fiha akhastuha. Si vous m'autorisez, je la prends. Wa illa fahiya aliya haram. Sinon, elle est interdite sur moi. C'est-à-dire la jarre de miel. Le jarre de miel. Ça, c'est. Je dois dire, en fait, là, je dois dire si c'est Oujouben, non, si c'est, je dois dire ça, en fait. C'est quoi le hukm, là? Moi, je pense que c'est Oujouben, non, Oujouben, non, il est où, le Mansoub? Attends, j'ai regardé la phrase d'avant, j'ai vu qu'il n'y avait pas de meuf, pas de bonne fille, et que là, c'était Tam. Mansoub, il est où? Pour aller chercher toute ta vie. Okay. Tu ne le trouveras pas, il n'y en a pas. Okay. Car il l'est là, c'est pas istisna là. Il l'est, c'est en fait, c'est comme l'autre en haut. Elle, c'est un tarkib entre in shartiya et la nafia. C'est pas un istisna là. En fait, c'est in azintum fiha akhaftuha. Wa in la fahiya alayya haram. Donc, c'est aussi un harf short. D'accord ? C'est pas illa istisna, c'est un autre. Donc là, il n'y a pas d'istisna dans cette phrase. Juste du short, condition. Et on finit par tarte dernière. Wallahi la in baqitu la yatiyan ara'iya bi jabalin sana'a. حظه من هذا المال وهو مكانه وهو مكانه. Ah ouais, j'ai mal traduit en fait la dernière fois. En fait, il dit, non, j'ai mal vu les harakat. En vrai, il dit, et Allah, si jamais je reste, que cet argent parviendra au berger dans les montagnes de Sana'a, alors qu'il est à sa place. Et non pas que si lui vient trouver son argent. C'est que là où il est, son argent va lui parvenir. En fait. J'ai pas vu qu'en fait, Ra'iya, c'est lui le mafoulbi, un fatha. J'ai mal vu quand j'ai lu la dernière fois. Donc on corrige la tarjama. En fait, il veut lui faire parvenir son argent alors qu'il est à sa place. Taïf. Là, je veux. Layatienne. Ma irlob, layatienne. Si tu trouves, tu peux trouver, mais ça demande talkiz. Tu peux regarder le début de le sens de la phrase, j'ai pas trop. Wallahi, la in baqitu, layatienne ara'iya bi jabal sana'a. حظه من هذا المال وهو مكانه. Si je reste. Si je reste. Que très certainement cette part d'argent parviendra au berger dans les montagnes de Sana'a alors qu'il est à sa place. Bon, j'ai commencé par le lem. Lem, ça c'est lem. Wa jawab al qasam. Par rapport au wallah. Ça, c'est, ça remonte souvent. Là. Ça remonte. Pas du tout. Okay. Alors, yati. C'est ça que tu veux, yatienne. Yati. Cette fatha, là, de yatienne, c'est quoi cette fatha? Sur le nom? Ya. À la base, c'est yati. Yana. Hap. Hap. Comment? Parce que quoi? Limada? Il est où? Il est pas la prononciation. Vous avez vu dans le. Adil Fatha, il l'aime talem, fakul Allah alam. Ouma afkour. Là, c'est quoi l'yalab du verbe? Il est quoi le verbe? Les mansoub, les marfou, les majzoum. Il est quoi? Ça, tu l'as appris. Hein, mais je crois pas que tu vas t'en rappeler. Allah alam. Je sais pas. Tayyib. La in baqitu la yatienna. Afouen là. Le lem là, c'est lem taoukid. Lem au jawab le qasam, c'est dans le in qu'il est. Naam. Il y a deux lem en fait. In, c'est quoi in? C'est... La in. La c'est un harf et in c'est un autre harf. Ils sont mis les deux ensemble. Ayo, c'est quoi son hamel? Yajdem. Là, il n'y a pas d'ism dans le jazm. Yonsab. Harf jazm, on va dire. Short. Jazm. In. إن حرف جزم وشرط بجواز لا ساتر دون الأفعال إن حرف شرط جزم تم تجزم في علي الأول في الشرط والثاني جواب شرط انت فعل أفعل طيب لو جواب شرط وفي الشرط لو بقيت مثلا فير هنا اللي مبني في محل جزم تفعل الماضي كان الماضي مبني اللي في محل جزم d'accord pourquoi c'est fier short de in et l'autre jawab donc il y a tienna c'est quoi son mahal majdoum pourquoi c'est une fatha wa alaykoum salam ah pourquoi c'est une fatha là hada wa soual pourquoi parce qu'en fait vu que c'est le n là c'est une chadda dessus hada ايش هذه النون la tienna C'est quoi ce nom? Je sais, c'est quoi? C'est non-taukid. Et c'est quoi le hukm? Ils ont tassé le non-taukid avec le fi'l al-mudari'. Mabni al-fat. Donc là, le fi'l, il est mabni al-fat. Il est tassé le non-taukid. Fi mahal jazm, jawab et shart. Fahim ta'ala? J'ai dit la vérité. De toute façon, on l'a appris. Ouais, c'est ça. Après, il faut raquer. Dans les afra'i, parce que dans les is, tout ça. وراعي مفعول به بجبل جار مشهور حظه في الفاعل دولاتينا من هذا المال وهو مكانه تعليف مكانه يعلم مكانه وهو مكانه سان ظرف عفت وهو جالس مكانه وَوَجَالِسٌ مَكَانَهُ Là, en fait, là, il prendrait l'irlop de quoi ? D'un khabar. هُوَ مُبْتَدَى وَمَكَانَ khabar. Comme زَيْدُونَ عِنْدَكْ طيب ? لكن, on a dit quoi en réalité ? Le khabar, il est mahzouf. Donc là, le takdir serait وَهُوَ مُسْتَكِرْ مَكَانَهُ وَهُوَ كَائِنْ جَالِسٌ مَكَانَهُ Parce que le khabar, il ne vient pas mansoub. Il vient marfoua. في الحقيقة. طيب سنقفنا اليوم غدا نواصل ما شاء الله تمام فإلى هنا والحمد لله رب العالمين